Les petites histoires de Telming. Coucou, vous allez découvrir mon dernier coup de cœur audio, une série développée par deux personnes géniales. La première, vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est Gérald, le compositeur et bruiteur qui m'a aidé sur tout un tas d'histoires comme la série Lego ou bien Un été incroyable. La seconde personne s'appelle Guillaume. C'est lui qui a imaginé la série, l'a écrite et l'interprète. Dès qu'ils me l'ont fait écouter, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la fasse découvrir. Et quoi de mieux que le premier épisode de la série pour vous donner un aperçu? J'espère que la Grimm Academy vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute! Bienvenue à la Grimm Academy. Welcome to the Grimm Academy. Bienvenido a la Grimm Academy. Hi-ha! Suivez-moi dans la cour du château. Ici, vous allez étudier les créatures magiques et je serai votre professeur. Je me présente. Mon nom à moi, c'est Grimm. Ansel Grimm. Je suis humblement de loin le plus grand des conteurs en stream. Je suis un Grimm, Grimm, Grimm, Grimm, Grimm. Oui, mon nom à moi, c'est bien Grimm Ansel Grimm. Grimm. Aujourd'hui, mes chers élèves, je vais vous parler du griffon, une créature fabuleuse que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est un animal étrange, très intelligent, mais aussi très dangereux. Le griffon a le corps et la queue d'un lion, mais la tête et les ailes d'un aigle. Encore plus dingue qu'un ornithorynque. Il est grand comme une table de jardin, et lui aussi a quatre pieds. Il vit dans les hautes montagnes, comme les Alpes ou les Pyrénées. À l'intérieur d'une grotte, il se confectionne un nid avec de l'or et des pierres précieuses, ce qui attire beaucoup de convoitises. Mais si vous essayez de lui voler son trésor, il vous attaque, avec ses griffes acérées. Et parfois, il vous dévore, s'il n'a pas déjeuné. Le griffon sait lire dans les cœurs. Si vous n'avez pas de bonnes intentions, il va le deviner. Mais si au contraire vous le respectez, si vous êtes gentil et sincère, il vous laissera peut-être grimper sur son dos pour faire un tour dans les nuages. Voici comment j'ai fait sa connaissance. Ce jour-là, pour faire plaisir à mon roi, je voulais inventer une machine capable de se déplacer sur terre et sur la mer. Je me suis creusé la tête. Pour voyager sur l'eau, on prend un bateau. Pour parcourir la terre, on prend une auto. Oh ! J'ai trouvé une excellente idée ! J'allais fabriquer une hydromobile. C'est comme un bateau qui peut rouler sur la route ou comme une voiture qui peut voguer sur l'eau. Il lui fallait donc des roues, mais aussi une coque, un volant, une cheminée, un drapeau, des clignotants. Vite ! Je devais tout griffonner sur un papier pour ne rien oublier. J'ai attrapé un vieux morceau de parchemin et j'ai cherché de quoi écrire dans ma belle collection de plumes. J'avais des plumes de toutes les sortes, de toutes les tailles, pour toutes les tâches. J'avais une plume de cygne, pour signer, une plume de paon, pour dépanner, mais pas de plume de griffon pour griffonner. Ça alors ? Il y en avait de multiples couleurs, blanche, verte, jaune, marron. J'ai tout fouillé, j'avais des plumes de hibou, pour écrire des trucs chouettes, des plumes de mouette, pour écrire à ma mère, des plumes de cigogne pour les longs courriers, des plumes de canard pour tenir mon journal, des plumes de corbeau pour prévenir la police, et des plumes d'ibis pour ne pas tout répéter 10 fois. J'avais même des plumes d'oie dans mon oreiller, mais pas de plumes de griffon pour griffonner les bonnes idées. Alors je suis parti vers les hautes montagnes. Le petit Pousset m'a prêté ses bottes de 7 lieues. Elles étaient pleines de cailloux. Aïe, ouïe. Mais je faisais des bonds extraordinaires et en quelques heures à peine, j'avais traversé le pays entier. Je suis arrivé au bord d'un fleuve. Il n'y avait pas de pont ni de bac pour le traverser. Mais un géant était là pour porter les gens et les mener de l'autre côté au pied de la montagne. Hulala ! Eh ben alors, tu peux pas traverser tout seul avec tes bottes de 7 lieues ? Non, monsieur le géant. Mes bottes, elles ne sont pas waterproof. Et je ne peux pas marcher sur l'eau. C'est dans les contes pour adultes que l'on marche sur l'eau, pas dans les contes pour enfants. Et tu vas où ? Voir le griffon pour lui emprunter une plume. Le griffon ? Oh ! Bah ça tombe bien ! bien. Tu peux lui demander comment que je dois faire pour arrêter de transporter les voyageurs de l'autre côté du fleuve. Si ça peut vous aider, je le veux bien. Et j'ai escaladé la montagne, sentier après sentier, rocher après rocher. Et au coucher du soleil, je me suis accroché à ces derniers rayons qui glissaient au-dessus de ma tête et ils m'ont hissé jusqu'à la grotte du Griffon. L'oiseau lion ronronnait doucement dans son nid de pièces d'or et de bijoux étincelants. J'ai voulu lui arracher une plume, mais elles étaient tranchantes comme des poignards. Je me suis coupé. C'est alors qu'il s'est redressé en faisant tinter son trésor. Et il m'a parlé avec sa grosse voix de stentor. « Que veux-tu, étranger ?»« Je voudrais rendre service au géant du fleuve qui fait traverser les gens. » « Grimpe sur mon dos et allons le trouver. » Le griffon a bondi comme un lion. Et puis, il a fendu les airs avec ses grandes ailes d'aigle. Nous descendions du ciel en piqué, à la vitesse de l'éclair. Comme il était concentré sur son vol, j'ai voulu en profiter pour lui arracher une plume. Mais, une fois de plus, je me suis coupé. « Oh là là ! Encellez le griffon ! Quelle bonne surprise !» s'exclama le géant à notre arrivée. « Dis-moi, le griffon, j'en ai assez de faire traverser les voyageurs de l'autre côté du fleuve. Comment que je peux faire pour arrêter ?»« Tu dois leur dire non. » répondit simplement le griffon. « Mais après eux, comment ils vont faire ?»« Je n'ai pas la réponse à cette question, mais eux, ils la trouveront. » Et le griffon, très fier, repartit en sautillant, sans faire de bruit. Car comme les félins, il a des coussinets sous les pattes. Sa queue se balançait devant moi, et je voulus tenter ma chance une dernière fois. J'ai agrippé une plume de toutes mes forces, mais je me suis fait très mal, et mes mains étaient en sang. Tu n'arriveras pas à arracher mes plumes. Je suis le seul à pouvoir les décrocher. Mais il te suffit de me demander la permission. Bah, de toute façon, vous allez dire non. Non. Ah oui ? Oui. Et le griffon prit dans son bec une plume de sa queue et me l'attendit gentiment. Je ne comprends pas, monsieur le griffon. Vous avez dit au géant qu'il fallait dire non. Et à cet instant, le bel oiseau m'apprit une nouvelle leçon. On doit toujours refuser ce qui nous fait souffrir. Mais quand on a tout à offrir, ça ne coûte rien de demander. C'est sûr que si j'avais demandé, je ne me serais pas coupé les mains. En tout cas, ça n'a pas l'air toujours facile de dire non. On veut faire plaisir, on ne veut pas décevoir, et on s'inquiète pour les autres aussi. Alors comment savoir quand on peut dire non, monsieur le griffon ? C'est à toi de répondre à la question, avec la ruse de l'aigle et la force du lion. Et le griffon disparut en un seul battement d'ailes. Il était monté tout là-haut, dans le ciel. Grâce à sa plume, j'ai pu griffonner les plans de mon invention. Et devinez quoi ? J'ai fini de la construire ce matin même. Suivez-moi ! Je vous présente mon hydromobile, ma voiture-bateau à vapeur. Pour le prochain cours, je vous emmène en balade sur le lac du château. Nous allons étudier les créatures des eaux. Alors prévoyez un maillot de bain et une côte de maille pour vous protéger des morsures. Certaines de ces bestioles sont un peu sur les dents, dirons-nous. Mais je suis là pour vous protéger et répondre à toutes vos questions avec la ruse de l'aigle et la force du lion. L'Agrim Academy vous dit merci, on se revoit d'attaque sur les berges du lac. On va tout étudier, dragons, sorciers, y a pas de repos pour les héros. L'histoire n'est jamais finie, l'Agrim Academy vous dit bravo, y a pas de repos pour les héros, l'histoire n'est jamais finie. Alors, vous avez aimé ? Eh bien, sachez qu'il y a 7 autres épisodes à écouter gratuitement partout. Cherchez Grimm Academy, Grimm, G-R-I-M-M, Academy, A-C-A-D-E-M-I-E, ou cliquez sur le lien disponible en description de l'épisode. Je compte sur vous pour l'écouter un maximum afin d'encourager Guillaume et Gérald à imaginer de nouveaux épisodes. Parce que moi, j'ai très envie d'en écouter plein d'autres. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.